cours numéro 10. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala humma ba'd. فأخذنا في درسنا الأخير الناقد الأول. وقبل هذا ما معنى قول المؤلف رحمه الله نواقض الإسلام؟ Le sens de نواقض الإسلام. تفضل. نواقض جمع ناقض. والناقض ما هو؟ المبطل المفسد للشيء كنواقض الوضوء. النوم مثلا من نواقض الوضوء، أي من نام ففسد وضوءه طهارته فسدت. إذا وفق الوضوء لأنه وقع في ناقض من نواقض الوضوء سأنيل. فنواقض الإسلام أي مبطلات الإسلام. وذكر رحمة الله عليه الأول فضل. الشرك في عبادة الله تعالى. ما الدليل على هذا الناقض عند من؟ تفضل. قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أحسنت. ما وجه الشاهد من الآية؟ لو غطوا الآية بك الناقض لا يغفر الشرك. نعم. لكن غفر من دون شيء. نعم. وإن أو على هذا فهو من نواقض الإسلام. من مات على الشرك الأكبر فيكفر يخرج من الإسلام. celui qui meurt على هذا الشرك عياذا بالله meurt على غير الإسلام. c'est pour ça que الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه l'a cité في النواقض. من يذكر دليلا على خطورة الشرك؟ un dalil sur la gravité du shirk. أحسنت. أي أن من دعا مع الله إلها آخر أي أشرك مع الله عز وجل في الدعاء في العبادة فهو كافر. تصامنت على gravité du shirk أنه يكفر. وذكر رحمة الله عليه كذلك مثالا على هذا قال ومن ذلك الذبح لغير الله. هذا سان اكزامبل اي لا سيتي سيت اكزامبل لان الذبح لغير الله انتشر في الأمة وفي زمنه رحمة الله عليه وفي زمننا كذلك ان بعض الناس يسكريفي بور اوتر كالله. فلهذا شيخ الإسلام نبه بهذا المثال أن الذبح لغير الله سد الشرك. لماذا؟ لأن الذابح عبد غير الله إلى أضغي أترك الله لأن الذبح سين عبادة. فهذا ما يتعلق بالناقض الأول. من حفظ يريد يقرأ يتفضل. تفضل. يقدم أن نواقض الإسلام العشرة الأول الشرك في عبادة الله تعالى. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنه الذبح لغير الله تعالى كمن يذبح للجن أو للقبر. أحسنت. قال المؤلف رحمه الله الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. من جعل بينه وبين الله وسائط. الواسطة أي أنا تغميدية مخلوق بينه وبين الله. فلا أن يدعو الله عز وجل مباشرة ولا يسأل الله عز وجل مباشرة بل يجعل بينه وبين الله واسطة. هذا هو الشرك بعينه. وهذا الذي وقع فيه كفار قريش أي ils ont placé un intermédiaire entre eux et Allah عز وجل لماذا لأن هؤلاء لسوء ظنهم بالله عز وجل ظنوا ils ont pensé أن pour que Allah سبحانه وتعالى il leur répond il leur donne il faut demander à quelqu'un il faut un intermédiaire أي cet intermédiaire pour eux il est mahboub عند الله فإذا سأل الله فالله سبحانه وتعالى لا يرد سؤاله هذا c'est grave لأن الله عز وجل il répond à ceux qui l'invoquent tant que l'insan c'est un mu'min un muslim et il a les conditions pour que son dua soit accepté فيدعو قال عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم فالدعاء c'est pas réservé à un نوع une catégorie de personnes الصالح أو الولي c'est pas réservé que à هؤلاء لا الدعاء c'est pour جميع المؤمنين et chaque مؤمن c'est un ولي لله عز وجل par rapport à son iman لكن الشيطان il a fait rentrer cette شبهة قديما et jusqu'à aujourd'hui à chaque مشرك أنه يعتذر أو يحتج si tu lui dis que ce qu'il fait c'est du shirk et يقول لك لا هؤلاء on l'a pris comme شفيع هؤلاء c'est des وصائت أما نحن on sait que c'est Allah le créateur on sait que c'est Allah qui donne on sait que c'est Allah qui nous a créé لكن on demande à ce wali à ce mort لأنه il est aimé عند الله et ce wali va demander à Allah Vous avez remarqué qu'ils ne demandent pas directement à Allah. Ils ont placé un intermédiaire. هذا هو الشرك بإجماع أهل العلم. قال عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هكذا يتزيك كفار قريش. هؤلاء شفعاؤنا عند الله. Ils adoraient autre qu'Allah. ثم quand ils étaient conseillés, ils disaient هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وفي الآية الأخرى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. Leur but c'était de se rapprocher d'Allah. لكن la façon c'est du shirk. Ça demande أن الإنسان يحذر. Il adore pas Allah سبحانه وتعالى avec le hawa. Ou il essaie de se rapprocher d'Allah سبحانه وتعالى avec ses passions, avec ce qu'il veut, avec ce que les gens y font. فتأمل هؤلاء. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا فلغ بد c'était de se rapprocher d'Allah عز وجل لكن de la mauvaise manière فوقعوا في الشرك الإنسان qui veut adorer Allah عز وجل لا بد qu'il unifie Allah تحقيق الإخلاص أولا يخلص لله عز وجل فالدعاء on demande Allah عز وجل وحده الذبح لله السجود لله الطواف لله التوكل على الله الاستعانة بالله وهكذا جميع العبادة كذلك أن نعبد الله سبحانه وتعالى على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحقيقة سي دو بوان سي تحقيق الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله سي تحقيق الإخلاص و أشهد قولنا أشهد أن محمدا رسول الله ستحقيق المتابعة. Et pour ces deux choses, tu as besoin de علم. Et c'est pour ça qu'on fait ce genre de dos. Et c'est ça, أصل الإسلام. قال العلامة الشيخ نجمي رحمه الله. أقول الأدلة على هذا الناقض هي الأدلة على الناقض الأول. لماذا؟ لأن الناقض الثاني سيدي الشرك. الحقيقة سيكون un exemple. وإلا le premier ناقد le premier annulatif qu'on a vu ensemble dans le dars précédent il englobe جميع أنواع الشرك que ça soit من جعل بينه وبين الله وصائت والذبح والاستعانة tout ça c'est du shirk بالله لماذا شيخ الإسلام il l'a cité كما تقدم pour الذبح لأنه انتشر في زمانه هذا الشرك à son époque فكثير من الناس وقعوا في هذا الشرك ils adoraient les tombes Et ils prétendaient أن هذا c'est pas du shirk. أي on les prend comme intermédiaires فقط. وفي زمننا كذلك بل أشد. فلهذا شيخ الإسلام نبه ونصح المسلمين en écrivant cette risala et en appuyant sur الشرك أولا لأنه c'est le naqid le plus grave et le plus dangereux pour دين المرء pour دين الإنسان. قال إذ إن هذا يعتبر نوعا من أنواع الشرك والمشركون الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعتقدون انفراد الله بالربوبية وأنه لم يشاركه أحد في خلق الخلق. تأمل هذا. Soyez attentif أن المشركين كانوا يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى سلمي الخالق وحده الرازق وحده المحيي المميت وحده. Ils ont jamais prétendu que leurs idoles elles créaient min dounillah ou elles donnaient la vie ou la mort. Abadan. قالوا أنه لم يشاركه أحد في خلق الخلق ولا رزقهم ولا إحيائهم ولا إماتتهم. Ils reconnaissaient Allah subhanahu wa ta'ala en tant que Rabb. وإنما كانوا يعبدون معبودات يزعمون أنها وسائط بينهم وبين الله. هذا الذي أوقعهم في الهلاك والشرك. C'est à cause de ça qu'ils se sont égarés. أنهم ils ont cru que c'était permis de mettre un intermédiaire entre l'insan et Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça le shirk. لأن في الحقيقة المسلم si il veut demander à Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, il n'a pas besoin d'intermédiaire. Ah, putain. Si tu réfléchis bien, l'intermédiaire t'en a besoin fi dunya avec un makhlouq. Naam. Pourquoi? لأن ce makhlouq peut-être qu'il ne va pas t'écouter. Mathalan, on a besoin de quelque chose et on doit demander aux responsables, à des responsables. Et on n'arrive pas à les contacter. Enfin, on va chercher une personne qui est proche de ce responsable. Wasita. Shafi'a. Qu'on appelle Shafi'a. On va lui demander, ya Foulan, tu connais un tel, nahnu, il ne nous écoute pas, on n'arrive pas à le contacter, il ne nous donne pas de temps. Enfin, anta, tu es proche de lui. Enfin, on a besoin de kada wa kada wa kada. Enfin, huwa, il va demander au responsable et peut-être que le responsable, il nous écoutera. Ça, c'est ma'al makhlouqin. Amma Allah subhanahu wa ta'ala sami'un, qaribun, mujibun, mujibu da'wa, subhanahu wa ta'ala. Et on a cité le verset wa adilla kathira. Donc, fil haqiqa, ha'oula waqa'u vi al-tashbih min hadhihi al-nahiya. Ils ont pensé que avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'était comme avec le makhlouq. Là, le makhlouq, il ne veut pas te donner une chose, mais si tu as une connaissance, il te la donne. Et si tu n'as pas de connaissance, il ne te la donne pas. Allah subhanahu wa ta'ala, là, personne ne peut se mettre en travers s'il veut donner quelque chose. Azza wa Jalla, il fait ce qu'il veut. Kun fayakun. Tu dois lui demander, faqat, bi ikhlas. Qala. وإنما كانوا يعبدون معبودات يزعمون أنها وصائد بينهم وبين الله يطلبون منهم الشفاعة أي يقربونهم أو يقربوهم إلى الله زلفى. Et on a cité le verset. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في كتابه النافع الواسطة بين الحق والخلق. C'est une référence dans ce sujet, tout ce qui est lié à al-shafa'a wa al-wasila wa al-wasa'it, kitab Cheikh al-Islam, كذلك كتابه النافع في التوسل رحمة الله عليه, كذلك Cheikh al-Albani رحمة الله عليه, il a un kitab نافع في هذا التوسل, كذلك Cheikh عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه التوسل المشروع والتوسل الممنوع. Les ulama, ils ont donné de l'importance à هذه المسألة. Il y en a كثير من الشرك qui répondent l'un wa aslu shubhat al-mushrikin, c'est la même. Anahum, ils ont pensé qu'on pouvait prendre un intermédiaire. Pour eux, c'est pas du shirk. لماذا لأنهم, ils ont pensé que التوحيد c'est الربوبية فقط. فهم يقولون, on croit en Allah. نؤمن بالله. ونعتقد أن الله هو الخالق. وأن الله هو الرازق الرزاق المحيي المميت. Donc pour eux c'est des mu'minoun. Fait la haqiqa, ça ne suffit pas. La bud min mada indak, ça ne suffit pas de reconnaître أن الله سلوي لك خاطر إلى آخر لابد من ماذا؟ أحسنت، لابد من التوحيد، توحيد الألوهية. ما الدليل؟ إياك نعبد تبارك تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. ما نعم لا بس، ما الدليل؟ أحسنت، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. Reconnaître que c'est le Khaliq, c'est tayyib, c'est min al-iman. Et c'est obligatoire, labud. Lakin hada al-iman, labud ma'a min amal kama dhakara al-akh wa huwa at-tawhid. Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Si tu l'as reconnu en tant que Rabb, fa'adur le seul. Amma le reconnaître comme Rabb, thumma lui associer un mort, un bachar, prendre des intermédiaires, ça annule tout l'amal. Innahuma yushrik billah, faqad harram Allahu alayhi. الجنة الله لا ينتقد لبعضه مثل هؤلاء المشركين سيما على هذا الحال عيدا بالله. قال الشيخ الإسلام من جعل بينه وبين الله واسطة في جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألهم ذلك إلى أن قال فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به حيث اتخذوا من دون الله أولياء وشفعاء. Ça c'est من أعظم الشرك et c'est un des plus graves et le plus répandu. لماذا؟ لأنه il est fondé sur une شبهة. أي نحن demande à ce mort لأن le mort il est aimé عند الله. مثلا il demande à un nabi ou un صالح ou un savant. Pour eux il a un rang élevé عند الله. Et c'est peut-être vrai si c'est un nabi. La chaque il a un rang élevé عند الله. Il lui demande pour se rapprocher d'Allah. هذا c'est du شرك. Allah t'a ordonné de lui demander directement. Et nous, on dit à Ha'ulam al-Mani'a, pourquoi ne pas demander à Allah directement? Est-ce que Allah il n'entend pas? Na'oudou billah. Est-ce qu'Allah il n'est pas capable? Na'oudou billah. Allah il est capable, il t'entend. Enfin, demande-lui, il t'ordonne. Et il te montre, si tu demandes à autre, c'est du shirk. Et tu les trouves, ma'a hada, ils s'entêtent. Il ta'assaboun et il persiste à demander aux morts, iyadam billah. Là, c'est un manque de tawfiq. C'est un manque de tawfiq. Et s'ils mériteraient, Allah, il les aurait guidés. Lakin, Allah, subhanahu wa ta'ala, ya'lam. Ya'lam ma fil quloub. Thumma qala, Sheikh al-Islam, fahuwa, ay man yaf'al hada, fahuwa kafirun bi ijma' al-muslimin. Il n'y a aucun khilaf fi hada, annahu c'est un kafir billahi azza wa jal. Limadha? Li'annahu ashraka ma'a Allah ghayrahu fil ibada. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit hada. Et on a cité beaucoup de preuves depuis le début du livre. Et Sheikh Najmi va en citer des autres. Qala rahmatullah alayhi. On revient au kalam de Sheikh Najmi. Wa lihada faqad ja'a fi ayatin kathira ilzam al-mushrikin بأن ما يفعلونه خطأ فاحش. Dans beaucoup de versets, Allah subhanahu wa ta'ala il montre أن هذا العمل من المشركين أي prendre des intermédiaires c'est une grave erreur. Et c'est du kufr. وكفر بقدرة الله عز وجل. صحيح. Si tu as la conviction qu'Allah il t'entend, qu'Allah il répond, qu'Allah il est capable de tout, لا يعجزه شيء عز وجل. Pourquoi ne pas lui demander? Celui qui demande à un autre, il a un doute. Il serait sûr, il lui demande, Azza wa Jal. Qala wa ittila'ihi wa haymanatihi fa idha kanu ya'taqidun anna Allah huwa al-khaliq wa anna al-aliha allati yad'unaha lam takhluq shay'an wa la tamlik la laha wa la lahum naf'an wa la dharra. Wa min dhalik قول الله تعالى عز وجل بعد أن ذكر شيئا من صفات كماله في سورة فاطر ثم قال سبحانه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك. تأملوا مثل هذه الآيات وكثيرا في القرآن أن الله عز وجل يسيت ما يتعلق بالربوبية أي أنه سلكخاطر مثل هنا يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر. Beaucoup de versets الله سبحانه وتعالى يسيت أنه سلكخاطر أنه il a créé le ciel les cieux, la terre, le soleil, la lune, il a akhiri. Thumma, Azza wa Jal, après avoir cité ma yata'allaq bil-rububiyya, il ordonne de l'adorer seul. Ça te montre le lien entre tawhid al-rububiyya wa al-uluhiyya. Enfin, ça ne suffit pas de reconnaître Allah comme créateur. Hatta l'an, wa'ad al-nas, ils ont cette chouba. Annahu yaqul, ana mu'min. بالله عز وجل انه الخالق الرازق لكن ربما يفيد الشرك ربما يفيد الصلاه ربما يلانيل son islam avec plusieurs nawaqid et il pense que c'est un musulman et tout ce qu'il fait ça fait aucun mal à son iman. لماذا؟ لانهم ils ont pas compris le Coran. قال عز وجل كل يجري لاجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك. Et Allah c'est le Rab, Allah est le Mulk, il possède tout. ثم قال عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. Et ceux que vous invoquez en dehors d'Allah عز وجل ما يملكون من قطمير. Al-Qitmir c'est l'enveloppe qui est très fine autour du noyau de date. Dès que tu ouvres une date sur le noyau, il y a une enveloppe très fine. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a cité هذا لماذا لأن عند العرب c'était معروف. Et كذلك pour montrer que cette chose très petite, ceux qui invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ma yamlikoun hada. Ils ne peuvent pas créer et ils ne possèdent rien. Fait haqiqa. Qala azza wa jal, ma yamlikoun min qitmir. Et pourquoi vous les invoquez et vous leur demandez alors que même cette chose très petite, ils ne la possèdent pas et ils ne peuvent pas la créer. Et si Allah subhanahu wa ta'ala, il veut pas qu'il touche à cette chose, à cette date où il la mange, où ils en profitent, ils ne le feront pas. Illa an yasha Allah. Enfin, pourquoi les adorer? Allah subhanahu wa ta'ala, il leur démontre l'an et il démontre à jami' al-nas anna celui qui mérite l'adoration, c'est qui? Indak? Allah. C'est qui? Al-Khalaq. Al-Khalaq. Al-Rabb. Allah azza wa jal. C'est lui qui mérite l'adoration. C'est une règle. Le créateur, c'est lui qui mérite l'adoration. Nous, on adore Allah, c'est parce que c'est le créateur, subhanahu. Donc, ceux qui demandent aux morts, est-ce que les morts, c'est des créateurs? Là, enfin, pourquoi ils les adorent? Ah, c'est tout simple, la haqiqa. Lakin, pour celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité. Qala azza wa jal. In tad'uhum la yasma'u du'a'akum. Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a démontré à celui qui ne crée pas, il ne peut pas être adoré. Thumma Allah subhanahu wa ta'ala, il leur demande des autres choses, des autres points, pour leur montrer que leur adoration, elle est inutile. قال عز وجل, إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. Quand vous leur demandez, ils n'entendent pas. بعض الناس, ils adorent des morts, ils demandent aux morts. Il va عند القبر et il lui demande. Alors que le mort, il n'entend pas, il est في البرزخ. C'est un autre عالم. Il est plus في الدنيا, il n'entend pas. أبدا. Enfin, pourquoi lui demander? Est-ce que ça rentre في العقل? Demander à un mort, Rubama il a été enterré il y a 10 ans, 100 ans, 500 ans, Allahu a'lam. Et il lui demande. Hatta al-aqil, s'il réfléchit, il ne peut pas faire hadashi. Alors que c'est un mu'min billah. Il croit Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, ud'uni astajib lakum. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, demandez-moi, je vous donne. Il délaisse tout ça, il demande à un mort. Et le mort, il ne l'entend pas. Haqiqa al-mushrik, il a perdu son din et il a un problème fil aql. Il y en a, c'est des choses évidentes. قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. Même si ils vous entendraient, c'est un taqdir. Mais les morts, ils n'entendent pas. Même si ils vous entendraient, ils vous répondraient pas. تأكيد بعد تأكيد. Ça c'est pour appuyer. C'est une حجة قوية. أن أولا il t'entend pas. Même s'il t'entendrait, il te répondra pas. Il peut pas te répondre. Est-ce que un mort, il peut guérir un enfant? Est-ce qu'un mort, il peut donner du rizq à un tel? Est-ce qu'un mort, il peut guider un tel? Abadan. Ça, c'est des choses. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il les donne à qui il veut. Qala subhanahu, وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُ لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. Troisième chose. Premier point, ils ne vous entendent pas. Deuxième point, même s'ils vous entendent, ils répondront. Ils ne peuvent pas vous répondre. Ils ne peuvent pas vous donner. Abadan. Troisième point. Yawm al-qiyama yakfuroun bishirkikum. Yawm al-qiyama, ils se désavoueront de vous. Iblis, il se désavouera de ses atba'a. Yatabarra. من الذين اتبعوه إبليس. Ceux qui sont en dehors d'Allah, adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils se désavoueront kadalik. Donc le mushrik, fit dunya, il fait des choses qui contredisent din, ou l'aql et la raison, et yom al-qiyamah, celui qui l'adorait, il se désavouera de lui. Il perd tout, fit dunya ou fit l'akhir. Qala azza wa jal, wa la yunabbi'uka mitlu khabir. Thumma qal, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwa al-ghaniyu al-hamid. Allah subhanahu wa ta'ala, il montre un nas c'est des fuqara. Pourquoi tu demandes à un bachar comme toi? Al-fuqara, c'est le pluriel de faqir. Al-faqir, c'est celui qui a rien, le pauvre. Et jami' al-nas c'est des fuqara. Même s'il a de l'argent, même s'il a femme, enfant, maison, c'est un faqir. C'est Allah al-ghani qui lui a donné. Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de tout lui reprendre. Il est capable de l'éprouver et sa richesse, elle lui est utile en rien. Fait, al-haqiqa, il est faqir. Même ce qu'il a, c'est pas à lui, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, tout ce qui est sur terre, l'an, c'est min mulkillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il éprouve faqat avec hada al-mal des gens. Il leur donne, d'autres il leur donne pas. Il reprend un tel, il redonne à un tel. Fa al-malik, c'est Allah, l'insan, il possède rien, al-haqiqa. فالله سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. Vous êtes des فقراء. Pourquoi demander à un pauvre comme toi? فلا لا ينبغي. شرعا وعقلا كما نادي. ثم قال والله هو الغني الحميد. Donc tout ça, ça te montre, demande à Allah سبحانه وتعالى. C'est lui le غني. C'est lui qui possède. C'est lui qui donne. قال عز وجل إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. Allah, s'il veut, il fait disparaître tout le monde et il emmène des autres à notre place. Ça, c'est pour montrer al-abd, il est rien. Sauf s'il s'accroche à son dîn et il adore Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yurfa' al-mu'min. Qala, wa ma dhalika ala Allahi bi'aziz. Allah, il fait ce qu'il veut. C'est pas difficile pour Allah. Il n'y a rien de difficile pour Allah. Allah, il est capable de tout. Ayat azima fi surat Fatir. وقال في سورة الفرقان واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا من معنى واتخذوا من دون الله آلهة إزدار عندو عبد الله سبحانه وتعالى ديزيدل لا يخلقون شيئا وهم يخلقون إزدار des créatures qui peuvent rien créer بل ce mort lui-même il est créé. Pourquoi l'adorer? Il est comme toi, c'est un bachar comme toi. Tu ne peux pas adorer un bachar comme toi. Là, celui qui mérite l'adoration, c'est le Khaliq. قَالَ وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نُشُورًا لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. Même pour lui, l'insan, لَا يَمْلِكْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. Le bien ou le mal, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne, qui enlève, qui élève, qui rabaisse. Enfin, l'insan, même pour lui, il veut se rendre riche, ou il veut se donner la bonne santé, ou faire du mal à un autre, il a un yasha Allah. Il veut enlever la vie à un autre, il a un yasha Allah. Ou il veut donner la vie à un mort, il peut pas. Al-nushur, c'est la résurrection, al-ba'th, min al-mawt. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le malik, c'est le muhyi, c'est le mumit. C'est lui qui fera revivre les morts. Donc on l'adore. Celui qui n'a pas ces caractéristiques, il mérite en rien al-ibad. Qala al-shaykh rahimahullah wa qala fi surati Saba. Qul id'u alladhina za'amtum min dunillah. La yamlikuna mithqala dharratin fi samawati wa la fi al-ard. Wa ma lahum fihima min shirkin wa ma lahu minhum min nadir. Nafs al-shaykh. Allah subhanahu wa ta'ala, il cite al-Rububiyya, thumma il démontre qu'anna ha'oula, il possède rien, donc on n'a pas le droit de les adorer. Tawhid al-Rububiyya et l'Uluhiyya, ça va ensemble. Bal akhbar Allah subhanahu wa ta'ala fi surati Zumar, di annahum qalu ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa, inna Allah yahkumu baynahum fima hum fihi yakhtalifun, inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Allah citait ce verset, « Anna al-mushrikin, ils prétendaient prendre des intermédiaires pour se rapprocher d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré nahum c'est des kuffars. Pourtant, ils voulaient se rapprocher, lakin de la mauvaise manière. Tu te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala en suivant Rusul. On se rapproche d'Allah azza wa jal bi tawhid, bi ta'a. Amma bi shirk, là, ça fait qu'éloigner cette personne d'Allah azza wa jal. Inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar. C'est des menteurs, kadhalik. Quand ils voudraient vraiment se rapprocher d'Allah azza wa jal, ils auraient suivi un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est venu avec Al-Qur'an. Et haoula, ils savaient très bien que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était à la haqq. لكن الكبر l'orgueil. والآيات في هذا كثيرة والمهم أن الذين اتخذوا من دون الله وسائط يطلبون منهم الشفاعة ويدعونهم من دون الله ويتوكلون عليهم فإنهم يعتبرون بذلك كافرين كما في خاتمة آية الزمر. نعم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فالله سبحانه وتعالى كفر هؤلاء. C'est pas Cheikh un tel ou tel groupe là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Fait le Coran al-Karim. Il a cité leur shubha, ma na'buduhum illa li yuqarribuna illa Allah zulfa. Et ils prennent des intermédiaires, et ils prétendent c'est pour se rapprocher d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a démontré que c'est des menteurs et c'est des kuffars. Et nous on dit c'est des menteurs et des kuffars. Ma yata'allaq bi al-shafa'a, taqaddam ma'ana fi al-qa'id al-arba'a. Et kadhalik, Inch'Allah, si on fait kitab al-tawhid, il y a un bab fi al-shafa'a, où l'ulama y détaille akthar. Et dans ce naqid, l'essentiel c'est de comprendre anna le fait de prendre des intermédiaires, c'est du shirk, c'est du kufr. Il y a des détails, ça viendra dans d'autres doros, Inch'Allah ta'ala. Et apprendre al-dalil من سورة الزمر إلى الطيب إلى كلير لأن فيه شبهة جميع المشركين أنهم يبخن des intermédiaires pour se rapprocher d'Allah et فيه حكم الله عز وجل على هؤلاء أنهم c'est des menteurs et des kafirs. فمثل هذا الدليل يحفظ. قال شيخ الإسلام نقرأ الثالث الناقد الثالث troisième annulatif. قال رحمه الله الثالث من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. Celui qui ne rend pas mécréant al mushrikin أو شك في كفرهم أو il a des doutes. هذا lui-même ça devient un kafir. لماذا؟ لأنه يخالف كتاب الله. المسلم المؤمن c'est un مؤمن لماذا؟ لأنه يؤمن بالله. Et s'il croit Allah سبحانه وتعالى فيلزم من ذلك أنه يؤمن بما جاء من عند الله. S'il croit en Allah subhanahu wa ta'ala, ça implique qu'il doit croire tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a informé, il doit y croire. Allah il a envoyé un rasoul, il a fait descendre un livre, et dans ce livre, c'est la parole d'Allah azza wa jal, on a beaucoup de versets que Cheikh Najmi il a cité quelques-uns. أن الله سبحانه وتعالى كفر بعض الناس كاليهود والنصارى والمشركين والملحدين. Celui qui dit là, ou il a un doute, son iman il n'est pas correct. S'il a un iman sahih, il croit en Allah, donc il va croire aux informations que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité dans le Coran ou de son message sallallahu alayhi wa sallam. C'est muhim. Ils se disent mu'min, thumma, des choses claires, min din ilahi azza wa jal, ils rejettent. Ou des choses claires qui contredisent هذا الدين, il accepte. Fa ta mu'min bimada? Ta mu'min bimada? C'est un mu'min billah azza wa jalla. Il faut pas se contredire. قال الشيخ نجمي رحمه الله اقول الله سبحانه وتعالى قد سمى المشركين كفارا في غير ما آية. فمن ذلك قوله تعالى ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية. Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité deux catégories de kafara. Inna alladhina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikin. Ça soit les gens du livre, al-yahoud wal nasara, et al-mushrikun, umouman, que ça soit des juifs, des chrétiens ou autres. Fi nari jahannam khalidina fiha. et il les a appelés kafara. Et il démontre à Azzawajal qu'ils s'y mettent à la hada, ils seront en enfer éternellement. Donc nous, on n'a pas le droit de dire que Al-Yahoud, ce n'est pas des kuffars. Ou Al-Nasara, on a des doutes. Abedan, ça c'est du kuffre. لأن القرآن il est صريح واضح في هذا. قال ففي هذه الآية جمع الله أهل الكتاب والمشركين وبين أنهم كفار. نعم قال عز وجل إن الذين كفروا il les a appelés كفرة. قال وأن مأواهم جهنم خاصة. قال عز وجل هنا خالدين فيها et ça c'est حال الكفار أنهم يستخرجون جميع من النار. وقال في المشركين على انفراد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. الله سبحانه وتعالى هنا يدمونتر كفر المشركين الذين ينكرون البعث ceux qui croient pas en la résurrection أن الله ressuscitera les morts et jugera tout le monde. بعض الناس لا يؤمنون بهذا. الله سبحانه وتعالى il les a appelés كفار زعم الذين كفروا أي الكفار يخطون أن les morts ils seront pas ressuscités. فنحن tous ceux qui ne croient pas en la résurrection c'est des kafara pour nous. Si واحد يدي لا c'est pas des kufar أو il a des doutes فعياذا بالله il annule son islam. لماذا؟ لأنه il croit pas en ce verset. Et تعلمون أن من كفر بآية بل بحرف c'est un kafir bi ijma' al muslimin. L'unanimité أنه c'est un kafir. S'il contredit, ne croit pas un verset du Coran, بل une lettre. لأنه c'est كلام الله. On doit tout accepter. Et l'amal بقدر الاستطاعة. وقال عز وجل عن اليهود. Cheikh Najmi a cité un verset sur أهل الكتاب والمشركين. ثم كذلك un verset sur les mushrikin. الآن اليهود. قال رحمة الله عليه وقال عز وجل عن اليهود فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. الله سبحانه وتعالى dans ce verset il cite des caractéristiques de اليهود. يتعاملون بالربا لزور وأكلهم أموال الناس يمانج أموال الناس بغير حق يبخن أموال الناس بغير حق. الله سبحانه وتعالى لزعب لكفر وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وقال عن النصارى لكريتيان لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. الفرسي لكلير النصارى يسعى على هذا أن pour eux المسيح سي الله أو سي الفيس دالله عز وجل. هذا سي دو كفر بالإجماع يا أوكان خلاف في هذا. فالسلوي كي دي أن النصارى لا بوركوا تو دي سي دي كفار أو سي با دي كفار أو يدوت أو يدافع عنهم بور لوغ دين إي باسكو سي دي مؤمنين هذا لا شك أنه سي با أن مسلم لأنه يكونتخدي كلام الله سبحانه وتعالى. قال إلى غير ذلك من الآيات فمن لم يكفر هؤلاء الكافرين فإنه يكون قد كفر بخبر الله سبحانه وتعالى. C'est ça qu'on a cité. أن celui qui doute ou qui contredit, il dit là, c'est pas des kafara, ففي الحقيقة كفر بخبر الله عز وجل. فنحن, on lui répond, لكن الله سبحانه وتعالى il a dit. T'es obligé de suivre, t'es un abd, celui qui a dit cela, الذي حكم عليهم بالكفر, c'est le khaliq, c'est le rab, celui qui m'a créé, qui t'a créé, qui les a créés. On peut pas khalifi hada abadan. Celui qui croit Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas le droit de se contredire. يؤمن بالله وبما جاء من عند الله عز وجل. أما بعض الناس يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. Et ça c'est من صفات اليهود. Ils prennent ce qu'ils veulent من القرآن ومن السنة et ils délaissent ce qu'ils veulent. Ça c'est une صفات اليهود. نحن on est des عباد, on doit croire en tout. ثم العمل bien sûr الناس يتفاوتون. بعض الناس peuvent faire le hajj, d'autres ils peuvent pas. بعض الناس ils peuvent faire salat debout, بعض الناس ils peuvent pas. بعض الناس ils ont des faiblesses, ils font pas siyam. بعض الناس à cause de leur péché ils font pas des obligations, c'est des usa. أما démentir le Coran الكريم هذا c'est du كفر. لأن المؤمن حقا il ne peut pas contredire le Coran. Il dit c'est haq et après s'il a une faiblesse dans Al-Amal, c'est autre chose. Amma ne pas croire là, ou contredire un verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit haoulas de kuffar wahad il dit la, hada c'est kuffr at-takdhib. Qala فإنه يكون قد كفر بخبر الله عز وجل عنهم أنهم كافرون ولذلك فإنه يعتبر كافرا من أجل ذلك. إيه هذا كذلك سبي الإجماع. لنانيميتي دي سعوة. سيدي نواقد سبي إجماع العلماء. تنبيه مهم. Une remarque importante. أن المراد بالكفر هنا سالكفر الصريح الواضح الجلي. أي من لم يكفر الكافرين أي الذين وقعوا في الكفر الواضح الجلي أي الكفر كلير كم اليهود والنصارى والملحدون والمشركون. أما une chose qui est un خلاف est-ce que c'est du كفر أم لا, والعلماء ربما اختلفوا أو ينشبها c'est pas clair. ففي هذا الحال on dit pas celui qui dit pas un tel c'est un كافر comme lui là. Là ça c'est autre chose. قال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمة الله عليه في الدرر السنية المخالف في المسائل الاجتهادية التي قد يخفى الحكم فيها على كثير من الناس لا تقتضي كفرا ولا فسقا وقد يكون الحكم فيها قطعيا جليا عند بعض الناس. نعم سيسي المسألة اختلف فيها أهل العلم. Il y a une choubha. Le sujet n'est pas clair. Même s'il est clair pour certains, lakin pour d'autres là, fafiyadalhal, on ne dit pas na, si un tel il dit pas qu'un tel c'est un kafir, lui-même c'est un kafir là. Fahmatalan al-ulama ikhtalafu sur ba'd al-nas. Est-ce que c'est un kafir am la? Fahnahnu, si on dit que c'est un kafir et un autre il dit que c'est pas un kafir et il y a un khilaf bayna al-ulama, le cas il n'est pas clair. Fahlan aqul fahadalhal là, s'il ne le rend pas kafir, lui-même c'est un kafir. Pourquoi? Léanna on a étudié dans la waqid al-islam, anna man lam yukafir al-mushrikin ou shakka fi kufrihin, fa lui-même c'est un kafir. Là, ça c'est dans les choses claires. Mathalan, wahad il kafir pas les yahoud, les juifs, ou les nasara, les chrétiens. Hada la shak fi kufri. Qala, wa inda akhirin yakun fiha mushtabihan khafiyan, wallahu la yukallifu nafsan ila usaha. Wa min al-adilla, ala... هذه أو على هذا الناقد قول الله عز وجل وما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. celui qui كفر pas les يهود والنصارى في الحقيقة ما كفر بالطاغوت بل يؤمن بالطاغوت لأنه il pense qu'ils sont على الشيء على حق. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل شرط وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه الحديث. أما الذي يصحح دين اليهود والنصارى ما كفر بما يعبد من دون الله لأنهم يزادوا أطخ الله فإلي أوبليجي دو لي روند كافر. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في الدرر السنية وأنت من الله عليك بالإسلام وعرف أن ما من إله إلا الله لا تظن أنك إذا قلت هذا هو الحق وأن تارك ما سواه لكن لا أتعرض للمشركين ولا أقول فيهم شيئا لا تظن أن ذلك يحصل لك به الدخول في الإسلام. شيخ الإسلام احذر أن الفت دير جسو مؤمن دير الشهادة ثم دو بنسي أن c'est pas permis de parler sur les juifs, sur les chrétiens. On n'a pas le droit de dire que c'est des kuffars. Cheikh al-Islam, il démontre أن هذا الشخص في الحقيقة il est pas rentré في الإسلام. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. Il faut les deux. الكفر بالطاغوت أي mécroire, détester tout ce qui est adoré en dehors d'Allah عز وجل et unifier Allah سبحانه وتعالى في العبادة. هذا يرentre في الإسلام. قال ولا أقول فيهم شيئا لا تظن أن ذلك يحصل لك به الدخول في الإسلام بل لابد من بغضهم وبغض من يحبهم ومسبتهم ومعاداتهم كما قال أبوك إبراهيم والذين معه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. La parole d'Ibrahim que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité dans le Coran. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Wal bara'a c'est le fait de détester et écarter. لا بد من هذا، سان شرط. وهو مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. سيغسل السيد في القرآن. هذا حال المؤمن، أنه يتبرأ من الكفر ومن الكافرين يبغضهم في الله عز وجل. فلهذا قال وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. العداوة سي لو فات دو بروندر ان تيل كوم عدو، سي عدو سي ان انمي. قال والبغضاء، البغضاء سي البغض، ديتستي، اي انتر نو و هذا عداوة وبغضاء، بغض في الله عز وجل. تسحل المؤمن مع المشرك الكافر حتى تؤمنوا بالله وحده. Ça peut changer à une condition. يتوب إلى الله هذا المشرك أو هذا الكافر. Et il croit en Allah. Et il suit le prophète صلى الله عليه وسلم. Il croit au prophète محمد صلى الله عليه وسلم. Il croit au Coran. Ça devient مؤمن في هذا الحال. البغض ça devient محبة. والبراء. البراءة منه ça devient الولاء في حقه. On le rapproche. On l'aime هكذا. Ça nous montre هذا أن الأصل والميزان c'est الإيمان c'est الدين c'est pas الهوى. أما بعض الناس الآن إذا appellent clairement à se rapprocher de اليهود والنصارى، بل بعضهم ils sont clairs, ils disent que c'est nos frères, c'est des مؤمنون, c'est des موحدون. كذلك ils ont un دين، on a la même religion. نعود بالله. Ça c'est du كفر. فلهذا قالت اللجنة الدائمة وفقهم الله تعالى إن الدعوة إلى وحدة الأديان. وحدة الأديان c'est le fait de réunir les religions. Et on a tous la même religion. C'est que nos prophètes qui changent. Lakin, al-ilah il est wahid, wa al-rab il est wahid. Et chacun il a son livre, chacun son prophète. Et on est tous des frères. Ça c'est min abtal al-abatil. Les prophètes c'est des frères. Et les livres qu'ils ont reçus c'est haq. Lakin al-Qur'an il a abrogé tous les livres. Ils sont obligés de croire au Qur'an. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kadhalik. Tous ceux qui sont venus après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils doivent croire en lui et le suivre. أما هؤلاء ils ne croient pas au Coran, ils ne croient pas au prophète محمد صلى الله عليه وسلم, ils ne le suivent pas, ثم ils essayent de faire croire que c'est nos frères. نعود بالله. Et tu trouves بعض المغفلين من المؤمنين ils pensent que c'est حق. عيدا بالله. قالت اللجنة الدائمة إن صدرت من مسلم فهي تعتبر ردة صريحة عن دين الإسلام. C'est de l'apostasie هذا, le fait de croire en l'unification des religions. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Celui qui désire une autre religion que l'islam, Allah il accepte rien de lui. Et في الآخرة il fera partie des perdants. Ça montre أن الدين عند الله c'est l'islam. إن الدين عند الله الإسلام لا غير. لكن الكفار يحاربون المسلمين الآن avec ce genre de دعوة, ce genre de فكر. On a toujours pas dire un tel c'est un kafir. Vous êtes tous des frères, alors que hum yuharibunana layl nahar. Fal-insan yahdhar, al-haq c'est al-haq. Et l'islam c'est l'islam, qui est fondé sur le Coran et sur le sunnah. Amma, tout ce qu'ils appellent haoula, fal-haqiqa, ça contredit hadha ad-din. Qala, li-annaha tastadim ma'a usul al-i'tiqad. Sahih, hadha ad-da'wa, elle contredit les fondements de ad-din. Il faut s'écarter du shirk, il faut s'écarter du tarot, il faut détester les kafara, il faut croire au Coran. الوحدة الأديان الأنيفي الرجل ça contredit tout ça. هم ils croient pas au Coran, ils croient pas au prophète محمد صلى الله عليه وسلم, ils font du shirk, ils font du kufr, et c'est nos frères. أين الأصول؟ tous les versets du Coran, tous les hadiths du prophète صلى الله عليه وسلم, أين هم؟ قال وبناء على هذا فهي فكرة مرفوضة شرعا محرمة قطعا بجميع أدلة التشريع من قرآن وسنة وإجماع. Ce fikr il est rejeté, cette pensée elle est rejetée, elle unifie les religions, et c'est batil, et c'est du kufr. Avec les preuves du Coran, de la Sunna, et l'unanimité des savants. فالإنسان يحذر. هذا ما يتعلق بهذا الناقد. أي الثالث, il est très simple. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.